c'est la thérapie collective sur MSN. Pour les narcotiques compétiteurs MSN. Mon rap se nourrit de drogue, je n'ai pas vécu sur scène. Mon petit frère et mes meufs font des scènes. C'est la thérapie collective sur MSN. Pour les narcotiques compétiteurs MSN. Mon rap se nourrit de drogue, je n'ai pas vécu sur scène. Mon petit frère et ma meuf me font des scènes. C'est la thérapie collective sur MSN. Pour les narcotiques compétiteurs MSN. Mon rap se nourrit de drogue, je n'ai pas vécu sur scène. Seul dans mon appart, en état de dépression nerveuse, je compose en morceaux, me branle sur un film de boule de serveuse. Je reste fan de Pierre Xervé, soi-disant puceau. Branche mes cervicales, l'amygdale à mon micro. Honte servie par mon cerveau, à votre service, les sépices d'un terroriste. Orgie dans les couvents, souvent couvertes, c'est coulant. J'allume mon ordi ou des hallucinés en gueulant, me parlant. Chat-chat en rêvant de chat pendant des heures. Tout s'accro et suicidaire, c'est un leurre. C'est surtout l'heure d'aller taguer, mais je l'ai loupé. Besoin de me libérer, surtout des malades à consoler. C'est comme jouer à une console erronée. On tient, non, on se tient à toi et tu restes accroché. Le monde avec accro, tout ça m'en fait accro. L'ordi nous éblouit, l'enfer prend la couleur du paradis. Nous engloutis, on est fou et plongé dans l'oubli. Cause les soucis, ose les sosies. À cause de notre taux d'alcoolémie, ceux qui ne veulent pas d'anesthésie sont déjà partis. J'ai l'arme, arme, le clavier, les courts-circuits, les touches. Tape à touche, les touches à touche. La vie est un court-métrage, petit torturé comme les mouches. On fait mouche, fausse route et fausse couche. Vaut mieux faire la fête dans la rue pour avoir un touche. C'est la thérapie collective sur MSN. Pour les narcotiques investisseurs MSN. Mon rap se nourrit de drogue, ils n'ont pas d'équipe sur scène. Mon petit frère et ma meuf me font les aides. C'est la thérapie collective sur MSN. Pour les narcotiques investisseurs MSN. Mon rap se nourrit de drogue, ils n'ont pas d'équipe sur scène. Mon petit frère et mes meufs me font des aides. En réalité, ces discussions sont pour ma promo. De l'expérimental gratuit pour les prolos. Viens m'écouter, je vais me les trancher. Retranché dans la tranchée, sort défoncé de la trachée. Un petit son, la coude d'art pour se calmer. On ne sait pas pourquoi on s'envoie des tonnes de messages passés par là. Réseau de dépressifs désespérés, mais pourquoi j'arrête pas de leur parler? Parce que t'en fais partie, mon gars. En cours, solidarité, parce que c'est la merde. Fais-moi les réponses avant que je m'énerve. Et te demande pas pourquoi je taxe plein de briquets. Chez moi, les blondes sont vides et allumées. Tu parles trop sec, de ci, de mais ça. Mais si tu tombes amoureuse, tu dois coucher avec ce gars. Alors ça n'est pas le cas, alors je crie sexe, bécu, de chat. Guni, pip, tout de mille, pisse sur les doigts. Parce que la femelle est une salope par définition. Et le mâle, lui, n'est pas mon con. Je me paye votre tête, car les femmes se payent la mienne. Et pour pas cher quand même, les hommes se payent la mienne de femme. Et c'est pour ça que je me paye votre tête. Tête de buzz, si tu veux, on s'en fout, je vais les loger, je n'ai rien à foutre de vous. J'ai déjà dit, mais j'aime répéter, c'est pour mieux te répondre. Je manque de sexe, de te shit que prix. Pour moi, fumer une induce, c'est comme allumer une blonde. C'est la thérapie collective sur MSN. Pour les narcotiques investisseurs MSN. Mon rap se nourrit de drogue, ils n'ont pas d'équipe sur scène. Mon petit frère et ma meuf me font des scènes. C'est la thérapie collective sur MSN. Pour les narcotiques investisseurs MSN. Mon rap se nourrit de drogue, ils n'ont pas d'équipe sur scène. Mon petit frère et mes meufs me font des scènes. Il n'y a rien de réconfortant dans cette musique. Je ne parle pas pour les ados exaltés et émerveillés qui vont chialer sur les roses de Trio ou Jean-Pierre Jeunet. Du dessin, de la zik et dessin, tel est mon dessin, tel est mon destin. Je ne suis pas dessin, je suis dans mon pays éthylique, dans un coma idyllique. Mais c'est l'automne et la monotomie morne, je veux l'autonomie. Me barrer en automobile, mes mobiles et mes alibis sont mobiles. Même si la vie est une monochromie. J'ai rien compris. Mais arrête de parler, tu peux même pas expliquer. Pourquoi la dernière bite que j'ai eue, c'est ta sœur qui me l'a fait. C'est la thérapie collective sur MSN. Pour les narcotiques investisseurs MSN. Mon rap se nourrit de drogue, ils n'ont pas d'équipe sur scène. Mes petits frères et ma meuf me font des scènes. C'est la thérapie collective sur MSN. Pour les narcotiques investisseurs MSN. Mon rap se nourrit de drogue, ils n'ont pas d'équipe sur scène. Mes petits frères et ma meuf me font des scènes. C'est la thérapie collective sur MSN. Thérapie. collective comme MSN.